Nacional. Longe da vista, perto do coração. Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Choc, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver pour ce 740e numéro d'Electric Choc. Et oui, ça commence à faire un petit peu. Donc, ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, 2 heures de métal en fusion pour vous décrasser les oreilles et réchauffer un petit peu l'atmosphère, bien sûr. Donc, on va faire un petit séjour avec tous les genres et sous-genres donc, qui composent notre style musical préféré, bien sûr. Et j'aurai des nouveautés à vous proposer ce soir, qui seront au nombre de 4. Et aussi, je vous ai ressorti quelques petites choses un petit peu anciennes, car ça fait du bien de temps en temps de rouvrir la boîte à souvenirs. Vous êtes prêts? On va commencer, ouais, relativement cool, avec le nouvel album de Not Scientist, Staring at the Sun, que je vous ai présenté la semaine dernière. Et le morceau avec lequel Electric Shock va commencer maintenant, c'est Secrets. Bon, visiblement un petit souci, je ne veux pas, le morceau ne veut pas partir. Donc on va essayer de faire autrement. Et oui, comme vous pouvez le constater, Electric Shock, c'est vraiment du live, c'est du direct avec tous les inconvénients et ce qui fait aussi que c'est, ça donne un côté humain et non un... Allez! Bon, je crois qu'on a vraiment un problème ce soir. Effectivement, je n'ai qu'une seule platine qui fonctionne. Donc, désolé, je ne pourrais pas vous faire d'enchaînement comme je le fais d'habitude. Donc, à l'instant, vous avez eu donc Not Scientist avec le morceau Secrets, extrait donc de l'album Staring at the Sun, qui est leur troisième et qui vient donc juste de sortir. Maintenant, s'il veut bien passer, bien sûr, parce que ben, je crois que... On va avoir une émission ce soir, je pense, assez particulière quand même. Bon, voilà. On va revenir, tiens, au groupe Double Negative, dont on avait passé... Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas passé d'extrait de leur excellent album Shutter the Wanderers. C'est, bon, maintenant, avec le morceau Against the Streams. Double Négative avec un extrait de l'excellent album Shutter the Wanderers, c'était Against the Streams. Et bien maintenant, il va être temps que je vous parle, je vous ai promis des nouveautés qui seront au nombre de 4 ce soir. Et bien on va se faire la première, et pour ça on va se faire un petit peu de dépaysement, on va aller faire un petit tour au Brésil, découvrir un groupe il y a à peu près 8 jours dont j'ignorais complètement l'existence, qui s'appelle Rexor. Alors si vous tapez Rexor sur internet, groupe de rock, de métal, vous apercevrez qu'il y en a un autre, un italien qui lui fait dans le black metal pur et dur. Or que le Rexor qui nous intéresse ce soir, qui nous vient du Brésil, lui fait plutôt dans le heavy typique milieu des années 80, sans fioritures, influencé Judas Priest, Accept, ce genre de choses, les débuts d'Iron Maiden, ce genre de choses. Et Rexor, qui est donc un groupe qui existe quand même depuis bientôt une vingtaine d'années, comme donc c'est des gars courts du métier. Et c'est leur deuxième album, qui s'appelle For Glory and Freedom, qui est sorti en courant 2022. Et c'est signé chez un petit label français dont on entend beaucoup parler dans l'underground, qui s'appelle Steel Shark Records. Alors Steel Shark Records, eh bien, ils sont spécialisés vraiment dans de l'underground international. Là, la preuve, si vous allez faire un tour sur leur site, vous allez voir qu'il y a des groupes venus des quatre coins du monde. Là, par exemple, ce qu'on va vous passer tout à l'heure, Rexor. Il y a des groupes d'Italie, de Colombie, du Mexique et autres. Et des groupes français, bien évidemment. Le seul critère pour faire être dans ce label, c'est de faire du heavy typé années 80. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on peut gloser maintenant un petit peu sur les pochettes qui sont carrément clichés, voir le nom de certains groupes et autres. Mais par contre, musicalement, ça le fait. C'est complètement assumé. Et du coup, il n'y a rien de ridicule. Ça fait toujours du bien de se plonger dans ce style. Enfin, moi, pour ma part, je veux dire, musicalement, j'ai quasiment grandi là-dedans, donc c'est le retour, un petit retour aux sources. Et puis, il faut dire aussi, par contre, que bah, c'est des sorties presque numérotées, parce que les tirages sont vraiment très, très limités, donc c'est quasiment de l'exclusivité. Et ça, du Rexor et autres produits comme ça, vous allez en avoir pas mal dans les semaines qui vont suivre. Donc, extrait de leur deuxième album, For Glory and Freedom, je vous invite à découvrir tout de suite avec le morceau From Out the Ruins. We'll be right back. Avez-vous remarqué comme votre animateur préféré était doué? Eh oui, vous avez eu un petit problème technique au départ, et ben voilà, j'ai réussi à le résoudre, comme quoi, vous avez vu, on maîtrise tout à l'électrique choc. À l'instant, vous avez eu Existence avec un extrait de leur excellent album Wolf Attack, sorti fin 2021 et qui a été vraiment un des coups de cœur de toute cette année 2022. Vraiment donc un groupe à suivre. Juste avant, venu du Brésil, et eux aussi à mon avis c'est un groupe à suivre, ça s'appelle Rexor, l'extrait de l'album c'est From Out the Ruins, et extrait de l'album For Glory and Freedom. Et d'ailleurs, cet album, en bonus aussi, figure dessus la réédition de leur premier album qui était sorti en 2014. Donc, vous avez deux albums pour le prix d'un, si vous aimez ce style. Eh bien, continuons avec quelque chose de beaucoup plus éthéré et aérien. On va revenir à l'album de Edenia, Another Place, et on va se faire le morceau type, le morceau qui a donné son nom à l'album. Tout en douceur, c'était Another Place, extrait de l'album du même nom de Edenia. Et ben maintenant, on va aller faire un tour du côté de Perpignan. On va retrouver un groupe de fous furieux que vous connaissez. C'est les Working Class Heroes et leur album No Excuses, No Remorse. Donc, mélange de métal, de hardcore, de techno, d'indus, enfin, bref, une bouillie explosive. Comme on va s'en rendre compte tout de suite avec The End So Nigh. We'll be right back. meeting in the cemetery. I don't have to tell you anything. What? Bah c'est tout simplement le message que le fou furieux de Rob Zombie, à l'instant, vient donc de nous délivrer, extrait de son album Hellbilly Deluxe 2, sorti en 2010. Autre fou furieux pourtant, Made in France, ils nous viennent de Perpignan et viennent de sortir donc leur premier album, No Excuses, No Remorse, c'était donc les Working Class Heroes avec The End Is Nigh. Passons avec d'un autre registre avec du rock progressif et on va revenir vers des ténors du genre avec le nouveau live de The Tangent, cet excellent groupe mené de main de maître par le clavier et chanteur Andy Tillison. Et on va donc se faire un petit extrait de double live Pyramid Stars and Other Stories, The Tangent Live Recordings 2004-2017. Bon, excusez du peu. Et là, on va se mettre A Spark in the Ether. deux releases morceaux initialement qui figuraient sur l'album Seasons End, sorti en 1989 de Marillion. Là, cette version live était extraite de l'album You'll Be Glad, un album hors commerce puisqu'il n'est réservé qu'aux membres du fan club. Donc ça, c'est une exclue Electric Shock. Juste avant Marillion, c'était donc The Tangent avec son live, par contre, qu'on peut trouver partout, dans tous les magasins bien achalandés. Pyramid Stars and Other Stories, The Tangent Live Recordings 2004-2017. Et oui, vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et c'est bien Electric Shock actuellement, comme tous les mardis soirs entre 19h et 21h. On va se faire donc la deuxième nouveauté de la soirée avec le premier album d'un groupe qui nous vient de la région parisienne qui s'appelle Not Bad. Alors moi je pense qu'ils ont mal attendu leur moment pour sortir cet album, ils ont dû le sortir au moment d'Halloween. Car Not Bad, eh bien, on retrouve un peu les mêmes gimmicks, les mêmes clichés que Rob Zombie et consorts. D'ailleurs, musicalement, on n'en est pas très loin non plus. D'ailleurs, rien que les surnoms des trois mecs du chant, Arnie Spookingham, Brutal Juice à la guitare, Maurice Duvis à la guitare aussi. Enfin bref, on voit des gars qui se prennent pas au sérieux et qui adorent vraiment les comics d'horreur, genre Tales from the Crypt. Et ce genre de choses. Bref, il y a de bonnes choses de cet album qui n'enchante pas la mélancolie. Extrait donc de cet album, Children of Gotham. Bat is waiting for you. des ténèbres, le seul, l'unique, souvent imité, jamais égalé. Bah, vous aurez reconnu, bien sûr, le grand, le génial Alice Cooper, qui, du haut de ses 74 ans, nous fait toujours autant la frousse. C'était là à l'instant Wicked Young Man, un extrait de Brutal Planet, son album sorti, et à de ça, combien de temps déjà que je regarde derrière? Ah ouais, il y a déjà 23 ans, putain, je le croyais pas si vieux que ça, cet album. Enfin bref, toujours est-il, avoir Alice Cooper, les fils spirituels, les parisiens de Not Bad et leur premier album Spook Up Your Life, c'était Children of Gotham, et c'était également la première nouveauté, la deuxième nouveauté, donc, de la soirée. Eh bien, ça ne vous aura pas échappé que nous sommes le 14 février, que la 14 février, c'est la Saint-Valentin et que on nous gave avec ça depuis un moment. Oui, alors c'est le moment d'être romantique, etc. Enfin, pour moi, la Saint-Valentin, c'est juste un prétexte pour enrichir les chocolatiers, bijoutiers et autres fleuristes parce que bon, vous allez me dire, je suis peut-être pas très romantique, mais pour moi, quand on est amoureux, on n'attend pas spécialement le 14 février pour le montrer. Je pense que tous les prétextes sont bons pour le faire. Il n'y a pas à attendre qu'on nous le dise. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Enfin, le morceau type pour la Saint-Valentin, pour tous ceux qui sont romantiques. Parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup quand même, qui malgré leur air dur comme ça, en fait, ont des petits cœurs d'artichaut sous la carapace de métal. Eh bien, le morceau idéal pour emballer pour la Saint-Valentin, pour déclarer votre flamme à votre chère tendre, bah, c'est Still Loving You, le slow immortel de Scorpion. Mais je vous ai choisi ce soir la version revue et corrigée par Sonata Arctica, sur son EP successeur qui était sorti en 2000 également. Donc c'est le moment romantisme d'Electric Shock ce soir, tout de suite maintenant. Your love again. Voilà, c'était donc la pause romantique pour Electric Shock ce soir, avec le classique de Scorpion, Still Loving You, et c'était repris donc par Sonata Arctica sur son EP successeur qui était sorti en 2000. Bon, le romantisme maintenant, c'est terminé, et ben on va attaquer la deuxième heure d'Electric Shock avec de l'épique, du sérieux, et on va revenir à l'album de Sins of Shadow Imperium avec un long morceau qui s'appelle My Empire. Feeling no sense, cynical blood to share my master's blood. La vache, on voit même pas le temps passer, hein, c'est excellent. Sins of Shadows, My Empire, tel morceau de ce soir, extrait de leur deuxième album, Imperium. L'avantage de la radio, comme je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est qu'on peut voyager dans le temps et l'espace sans bouger de son fauteuil. Ça va être le cas maintenant, puisque je vais vous emmener à Londres, au Rainbow Theatre, le 29 mars 1978, où Finlay délivrait un concert excellent, comme c'était leur habitude. Concert qui a été enregistré et qui figure en partie sur le fameux Live and Dangerous, sorti donc en juin de cette même année. Et là, depuis fin janvier, est sorti un fabuleux coffret, si vous aimez ce groupe, un achat vraiment indispensable, regroupant l'intégrale donc des 7 concerts qui figurent l'ossature de ce live mythique. Vous connaissez déjà les quelques extraits que je vous ai déjà passés ces dernières semaines. Donc là, je vous dis, on sera à Londres, au Rainbow Theatre, le 29 mars 1978. Et là, on va s'enquiller un grand classique de la fine Elisabeth, c'est Warriors. Kotzen, donc l'association d'Adrian Smith, d'Iron Maiden et de Richie Kotzen, ex Mr. Biggs, ex Poison et lui-même. Donc l'extrait donc du EP Better Days and Nights, mélange de morceaux studio et de titres live. Là, c'était une version de Running qu'on peut, dont la version studio figure sur leur premier album sorti en 2021 et qui est vraiment excellent. Dans le même style, mais beaucoup plus ancien, c'était les maîtres Tin Lizzy avec leur Live and Dangerous, enfin extrait du coffret qui est sorti fin janvier. Et là, c'est un extrait donc du concert enregistré au Rainbow Theater à Londres le 29 mars 78 pour tous les archivistes qui veulent tout savoir. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée. Je vous emmène faire un petit tour du côté de Toulouse, retrouver quelqu'un qu'on a déjà eu dans Electric Shock, c'est Jean-Paul Maezzo, chanteur de rock, de blues, de folk... aussi, qui vient donc de sortir son dernier album, Ode à Celle, qui est sorti en tout début d'année. Et là, on va se faire un petit Kimberley Eyes. Comme un essentiel de parfum au bas du silence, ses yeux eyes, à signes composés. Ciel propre de Sarah, couleur du poème engagé sur la terre penchée à la fenêtre d'un refrain. Accroché aux yeux de Kimberley. We just belong forever, and I don't wanna lose. Talk About It. Ça, c'était un extrait du premier album de Justin Blue qu'on vous passe régulièrement depuis plusieurs semaines. Juste avant, c'était la troisième nouveauté de la soirée avec Maïso et son nouvel album Odacel. Et vous avez eu droit au morceau Kimberley Eyes. Eh bien, on va se faire un petit peu de métal progressif et on va revenir au live de Dream Theater enregistré au Madison Square Garden en 2010, qui est sorti au mois de, cet album est sorti au mois de janvier. C'était un concert particulier puisque le groupe jouait en première partie de Iron Maiden et c'était également un des derniers concerts de Mike Portnoy avant que celui-ci ne quitte la légende du métal progressif. Pour ce soir, un morceau pas joué régulièrement, il s'agit de Panic Attack qui figurait à l'origine sur Octavarium. We'll Panic Attack, donc un extrait du Live at Madison Square Garden 2010 de Dream Theater, leur dernier official bootleg en date. Enfin non, parce que depuis est sorti les démos de Distance Overtime. Mais bon, ça, ce sera peut-être un peu plus tard. Eh bien, on va se faire la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe que vous avez déjà eu plusieurs fois dans Electric Shock. C'est le duo parisien Helios, groupe français de néo-metal qui existe depuis 2012 et c'est déjà le cinquième album. Donc, mélange de chants classiques et éthérés avec, par moments, on est dans le métal industriel et symphonique en même temps. Avec, pour ce nouvel album qui s'appelle Déviante, un petit changement quand même parce que par moments, on est quand même pas loin du metalcore. Enfin bref, toujours une belle évolution pour ce groupe. Donc un extrait ce soir qui s'appelle Le Glaive. Secret Garden, c'était un extrait de Eternal Blue, le premier album de Spirit Box sorti en 2021 et une des révélations de cette même année à suivre pour un prochain album. Juste avant, tout nouveau, tout chaud, puisque c'est sorti la semaine dernière, le cinquième album de duo parisien Helios qui s'appelle Déviante, et c'était le morceau Le Glaive. À 20h44 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, Electric Shock va se muer en Acoustic Shock, le temps d'un morceau du groupe Highway et de leur album The Journey. On va faire un petit tour en Alabama et on va faire une petite halte au motel, puisque c'est Motel in Alabama. Bad woman approaches. C'était le moment Acoustic Choc, un instant avec le plus américain des groupes français, Highway, avec son album The Journey. C'était Motel in Alabama. Eh bien, de l'Alabama à Toulouse, il n'y a qu'un pas. On va le franchir tout de suite avec le groupe de métal industriel NIT, que vous devez bien connaître maintenant. Et on va se décrasser les oreilles avec Psychosis. Hey! choisi, c'était Nit, extrait donc de leur album éponyme. Eh bien, il nous reste un petit peu de temps pour se faire un dernier morceau. Eh bien, je vais vous envoyer dans le Grand Nord, retrouver le groupe Skald, donc mélange de percussions, d'instruments traditionnels nordiques. Et sur l'album Hull du Folk, il y a une reprise de Cure, All Forest. Vous savez, c'est un morceau assez sombre, assez lugubre. Et repris de cette façon, eh bien, je pense qu'il est toujours dans le même esprit. Eh bien, c'est avec ce morceau que Electric Shock va s'achever ce soir. Cause Scald et sa reprise de Cure, A Forest, extrait d'album Hull du Folk. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Merci d'avoir été encore une fois à l'écoute de ce magazine métal. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec d'autres nouveautés, puis des surprises, comme chaque semaine, bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal, bien sûr, et Radio Arc-en-Ciel, évidemment. Je vous dis à mardi. Salut à tous! Trabalhada e vai de facto não propriamente a proposta do Ministério da Justiça, mas isto é uma coisa que depois tem que ser conversada a nível do Governo. Naturalmente, a proposta do Ministério da Justiça será não mexer nos prazos de prescrição, mas mexer na data em que se inicia a contagem desse prazo. Eu diria que antes do meio do ano, seguramente. Portanto, estamos a trabalhar nisso, a proposta está desenhada e, portanto, é uma questão de entrar em circuito legislativo. A proposta do Ministério nada tem a ver com os casos na Igreja e com o relatório conhecido ontem, é o que garante a Ministra da Justiça. Ela vai encontrar-se em breve com a Comissão Independente que estudou os casos de abusos sexuais de crianças na Igreja Católica. Os encontros foram anunciados esta tarde pelo Primeiro-Ministro. António Costa considera que há lições a tirar e fala de uma realidade chocante e perturbadora. Eu acho que é um tema que obviamente choca toda a sociedade, nos perturba a todos, sobretudo porque não sinaliza só abusos sobre crianças no seio da Igreja ou nos espaços da Igreja, mas de ser uma realidade mais transversal à sociedade. Por isso, a Sra. Ministra da Justiça, a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social irão reunir também com a Comissão, porque acho que há um conjunto de lições a retirar, também para outros domínios. Porque seguramente aquela realidade não aconteceu só naquele contexto específico. Acho que a Igreja teve uma grande coragem, uma grande transparência, uma grande ousadia de fazer este trabalho em profundidade, mas que nos obriga a todos a interrogarmos sobre outros domínios, outros espaços, onde mesmo possa ter acontecido. Há lições a tirar, diz o Primeiro-Ministro, por isso as Ministras da Justiça e do Trabalho vão encontrar-se em breve com a Comissão Independente, que ontem deu a conhecer os resultados do estudo aos casos de abusos sexuais de crianças na Igreja. Foram recolhidos e validados mais de 500 testemunhos relativos a perto de 5 mil vítimas. A Comissão deixou como proposta o alargamento dos prazos de prescrição para este tipo de crimes. O Governo está a preparar um programa para o pré-escolar e para as creches, no sentido de prevenir a violência entre os jovens. A Secretaria de Estado para a Igualdade e Migrações esteve nesta tarde na apresentação de um estudo da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta. Segundo esta pesquisa, cerca de 12% dos jovens dizem já ter sofrido violência física no namoro. Isabel Almeida Rodrigues quer ter um novo programa a funcionar nas escolas em 2025 e sublinha que a prevenção deve começar o mais cedo possível. Precisamos de começar a trabalhar as questões das identidades, a educação para a paz, portanto, todas estas dimensões, logo a partir da creche e do pré-escolar. E quando é que esse plano poderá estar em marcha? Bom, os planos serão brevemente aprovados. Eu gostaria de dizer que para só a preparação deste programa demorará pelo menos um ano, porque há este trabalho para poder dar bons resultados tem que ser consistente, tem que permitir que a mensagem seja harmonizada e consistente, qualquer que seja o estabelecimento de educação escolar ou pré-escolar onde este trabalho seja feito. Isabel Almeida Rodrigues, a Secretária de Estado para a Igualdade e Migrações, e o objetivo de ter a funcionar já em 2025 um programa para o pré-escolar e para as creches, no sentido de prevenir a violência entre os mais novos. A TAP vai avançar com a redução dos cortes salariais para 20% a todos os trabalhadores, atualizando ainda o valor abaixo do qual não são aplicados cortes.